Il existe une ville, c'est la ville de mon cœur. Tu peux vivre tranquille, c'est la ville du bonheur, où tout est si facile et se passe en douceur. La chaleur de l'argile et le parfum des fleurs, un mélange subtil de senteurs, de saveurs. Une chanson juste au piano, une mélodie avec mes mots, mais qui ressemble à un poème. Te dire enfin ce que je t'aime, jeter mon cœur dans ce micro, juste te faire ce petit cadeau. L'amour n'est pas une mise en scène, maintenant tout le monde sait que je t'aime. Il existe une ville, rien que pour toi mon cœur. Tu peux dormir tranquille et oublier tes peurs. Je te sens si fragile quand dans tes yeux les pleurs, comme un ruisseau qui file, viennent inonder mon cœur de ces mots malhabiles qui manquent tant de chaleur. Une chanson juste au piano, une mélodie avec mes mots, mais qui ressemble à un poème. Te dire enfin ce que je t'aime, jeter mon cœur dans ce micro, juste te faire ce petit cadeau. L'amour n'est pas une mise en scène, maintenant tout le monde sait que je t'aime. Il existe une ville, c'est la ville de mon cœur. Il existe une ville, rien que pour toi mon cœur.